Colère publie une lettre ouverte au président de la République sur les réseaux sociaux, un groupe animé notamment par Éric Drouet qui lance l'acte 8 du mouvement des Gilets jaunes pour demain à Paris. La manifestation débutera à 14h et elle a été déclarée en préfecture. Dans leur lettre, les Gilets jaunes dénoncent notamment une répression sans aucune retenue. Ils demandent à être reçus par le président de la République afin de reprendre les négociations. La colère va se transformer en haine si vous continuez, disent-ils. Après 42 ans passés au RPR, puis à l'UMP et enfin aux Républicains, Alain Juppé tourne une page. Il n'est officiellement plus membre du parti dirigé par Laurent Wauquiez. L'ancien Premier ministre n'est plus adhérent du parti depuis le 1er janvier pour n'avoir pas renouvelé sa cotisation 2 années consécutives. C'est la règle. En désaccord profond avec la ligne politique de Laurent Wauquiez, il interviendra cependant dans la campagne des Européennes, le seul débat public qui compte vraiment à ses yeux, explique un membre de son entourage. Léonard de Vinci, le voyage dans la Lune, le modèle noir en peinture, autant d'événements qui vont marquer l'année 2019 en matière d'exposition à Paris. Avec notamment comme événement phare une expo tout en camon en septembre à la Grande Halle de la Villette à Paris, le célèbre pharaon égyptien qui avait déjà fait l'objet d'une expo historique il y a plus de 50 ans. D'autres civilisations devraient également être mises à l'honneur. Laurent Sapir. La civilisation des Hittites, qui ont vécu en Anatolie au 2e millénaire avant Jésus-Christ, aura les honneurs du musée du Louvre au mois de mai, tandis que les arts primitifs du Pacifique seront au cœur de l'exposition Océanie au musée du Quai Branly dès mars. Le centre Pompidou, quant à lui, fera en mai le trait d'union entre préhistoire et art moderne et contemporain. Également au programme, un voyage dans la Lune, 50 ans après l'exploit de Neil Armstrong. Ce sera en avril au Grand Palais, avec la Lune dans tous ses états, de Marc Chagall à Salvador Dali. On ne manquera pas non plus, en plein débat sur les restitutions d'objets d'art à l'Afrique, l'exposition du musée d'Orsay au printemps sur la représentation du modèle noir en peinture, photo et sculpture. Autre événement marquant, enfin, une exposition Léonard de Vinci au Louvre en septembre pour les 500 ans de la mort du papa de la Joconde. L'incertitude demeure en revanche sur la présence de plusieurs chefs-d'œuvre des musées italiens vu l'état actuel des relations entre Paris et Rome. Du soleil et de belles éclaircies toujours sur le sud de la France et l'ouest également. Pour le quart nord-est, en revanche, ce sont les nuages qui vont dominer dans la journée. Des températures allant de 5 à 8 degrés pour être large cet après-midi. Ce matin, à la louche. Il fait froid, hein. Oui, ce matin, il faut bien se couvrir. Hein. Des températures négatives sur quasiment toutes les régions. Donc 5 à 8 degrés cet après-midi. Plus doux, toujours près de la Méditerranée où on annonce de 10 à 13 degrés. 8h05 sur TSF Jazz, bienvenue dans ces matins jazz, ce dernier matin jazz des vacances. Hein, après tout le monde va rentrer, vous aussi peut-être, on reprendra notre rythme habituel dès 6h du matin. Pour l'heure, bah, on écoute plein de chouette musique avec Peggy Lee et sa version de As Time Goes By avec Jimmy, Ibrahim Malouf et son dernier album, Mel Tormé qui nous attend, c'est juste après la pub, Lullaby of Birdland. 4,29€ la galette. Vous me prenez vraiment pour le roi des imbéciles. Et pourtant, c'est vrai. Jusqu'au 6 janvier, la galette frangipane ou aux pommes 6-8 parts est à seulement 4,29€ chez Netto. Netto, le discounter qui fait la différence. 600 grammes, soit 7,15€ le kilo, transformé en France, magasin participant sur netto.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Showroomprivé.com présente... Gaspard, je suis ton père. Ça, c'est la réplique de Dark Vador. Et ça, c'est Chewbacca. Et si vous emmeniez plutôt vos enfants à Disneyland Paris pour rencontrer Dark Vador, Chewbacca et toutes les légendes de la Force? De nombreux spectacles et attractions attendent vos petits Ewoks pour revivre les histoires les plus emblématiques de la galaxie. En ce moment, les séjours sont à moins 35% sur Showroom Privé. Et pour les moins de 12 ans, c'est offert. Showroomprivé.com. Il est urgent de se faire plaisir. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours au champ, ce sont les photos de Cyril qui changent. Avec le smartphone Huawei P20 Lite 64Go à 249,90€. Waouh, double capteur photo. Et avec cet effet flou intégré, on ne pourra plus jamais dire que tes photos sont ratées. Jusqu'à samedi, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent le smartphone Huawei P20 Lite 64Go à 249,90€. Et vos photos changent. Auchan. Don et coparticipation 2 centimes. Kit main libre recommandé. DAS 0,75 watts par kilo. Conforama, le confort pour tous. Quand le matin arrive toujours trop tôt, on propose l'ensemble Bultex matelas plus sommier 140 cm, ses deux oreillers et sa couette à moins 50%, soit 479€. Pour profiter de votre lit à petit prix. Conforama, jusqu'au 28 janvier. Conditions en magasin et sur conforama.fr. Ça sonne la fin du match. Ça, la fin de la récré. Et ça sonne la fin des maux de gorge peu intenses et sans fièvre. Drill agit dès les premiers symptômes. Drill. soulage la douleur grâce à la tétracaïne et combat l'infection locale grâce à la chlorhexidine. Drill sonne la fin des maux de gorge. Drill pastille médicament contient de la chlorhexidine et de la tétracaïne. Ne pas utiliser avant 6 ans. Lire attentivement la notice, demandez conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent plus de 5 jours, consultez votre médecin. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Chez Carrefour et Carrefour Market, c'est le mois encore moins cher. Avec la prime Carrefour, il y a 10 euros en bons d'achat tous les 30 euros d'achat sur le rayon boucherie. Résultat des courses, une année qui commence sous le signe des économies pour mon porte-monnaie. C'est le mois encore moins cher chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Jusqu'à dimanche, profitez de la prime Carrefour. 10 euros en bons d'achat tous les 30 euros d'achat sur tout le rayon boucherie. Carrefour. Hors volaille, offre limitée à 90 euros d'achat. Modalité magasin participant sur carrefour.fr. À la Vallée Village, je célèbre 2019 avec style. Jusqu'au 27 janvier, je m'offre une escapade shopping de luxe à prix encore plus réduit parmi 110 boutiques mode. Jusqu'à moins 60% sur les collections précédentes des grandes marques comme Furla, Levis, Mage. Et samedi 12 janvier, nocturne festive jusqu'à 22h. La Vallée Village, révélez l'exceptionnel. Conditions sur lavalleyvillage.com. Évadez-vous en jazz. Vous avez choisi TSF Jazz. Seen two turtle doves bill and coo when they love. That's the kind of magic music we'll make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry on my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby of birdland, whisper low, kiss me sweet, then we'll go flying high in birdland, high in the sky up above. We're in love. When I hear that lullaby of birdland, crazy swinging lullaby of birdland, all it seems to do is just remind me that I'm oh so in love, I don't know what to do. When I hear that lullaby of birdland, crazy swinging lullaby of birdland, all it seems to do is just remind me of the nights that I spent loving you. Discover just why I'm so much in love, so much in love. Lullaby of Birdland par le chanteur Mel Tormé à 8h11 sur TSF Jazz. Et comme promis, voici le dernier album que le trompettiste Ibrahim Malouf a sorti. Dernier album en date qui était un live enregistré il y a 2 ans à Bercy. Le concert de sa vie selon son propre aveu. En tout cas, de sa vie jusque-là. Voici Ya Allah. I'm TSF Jazz. La seule radio 100% jazz. Le big band du saxophoniste Jimmy East sur TSF Jazz, enregistré au tout début des années 60. C'était ici en Green Dolphin Street à 8h20. You must